Bonjour tout le monde, c'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Nous arrivons aujourd'hui à la leçon 18. La phrase clé du jour est... Michi ni mayotte shimaimashita. Il semble que j'ai perdu mon chemin. J'ai perdu mon chemin. Le personnage principal de notre sketch s'appelle Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande. Anna s'est rendue dans une librairie avec ses amis Sakura et Rodrigo. Après être sortie de la librairie, elle les a perdus de vue. Anna est confuse. Alors, elle appelle Sakura au téléphone pour qu'elle l'aide. Écoutons le sketch de la leçon 18. La phrase clé est... Michi ni mayotte shimaimashita. J'ai perdu mon chemin. Moshimoshi, Sakura-san, tasukete kudasai. Michi ni mayotte shimaimashita. Ima doko? Me no mae ni yūbinkyoku ga arimasu. Wakatta, soko ni ite. Laissez-moi maintenant vous expliquer ce sketch. Anna a dit à Sakura « Moshimoshi, Sakura-san. » « Allô, Sakura ?»« Moshimoshi. » est une expression que l'on utilise au début d'une conversation téléphonique. « Sakura-san. » est la personne au bout du fil, Sakura. « Tasukete kudasai. » « Aide-moi, s'il te plaît. »« Tasukete kudasai. » se compose de la forme en T de « Tasukemasu. » Aider, qui est tasukete et de kudasai. S'il te plaît, exprime une demande. On l'emploie lorsqu'on est perdu et qu'on appelle à l'aide. Répétons ensemble. Tasukete kudasai. Lorsque la situation est plus tendue, on emploie tasukete, au secours, n'est-ce pas? Oui, prononçons ce mot ensemble. Tasukete. Anna poursuit. Michi ni mayotte shimaimashita. J'ai perdu mon chemin. C'est notre phrase clé aujourd'hui. Michi signifie chemin. Ni est une particule qui indique la direction du mouvement. Mayotte shimaimashita signifie avoir perdu son chemin. Mayotte est la forme en T de mayoimasu, avoir perdu son chemin. Shimaimashita se place après les verbes de forme T pour exprimer qu'on a fait quelque chose négligemment ou distraitement. Un verbe à la forme T suivi de shimaimashita, c'est bien ça? Oui. Exerçons-nous à dire notre phrase clé du jour. J'ai perdu mon chemin. Lorsqu'on dit mayotte, on fait une brève pause après mayo. Michi ni mayotte shimaimashita. Mélanie, j'ai une question pour vous. Machigaemasu signifie commettre une erreur. Comment dit-on j'ai fait une erreur? Laissez-moi réfléchir. La forme en T du verbe machigaemasu est machigaete. Il faut donc lui ajouter shimaimashita. La bonne réponse est donc machigaete shimaimashita. J'ai commis une erreur. C'est juste. Vous n'avez pas commis d'erreur. Sakura demande ensuite à Anna. Ima doko? Où es-tu en ce moment? Ima signifie « en ce moment ».« Doko » veut dire « où ». C'est une façon abrégée et familière de dire « où es-tu en ce moment ?»« Ima doko ni imasu ka ?» dites-le en haussant l'intonation. Anna répond « Meno mae ni yūbinkyoku ga arimasu. » « Il y a un bureau de poste juste devant moi. »« Me » signifie « yeux ».« No » est une particule qui lie les substantifs. Mae signifie devant. Meno mae signifie devant mes yeux, c'est-à-dire juste devant moi. Ni est une particule qui indique un endroit. Yūbinkyoku signifie bureau de poste. Na est la particule qui indique un sujet. Arimasu est un verbe qui signifie il y a quelque chose. Comment dit-on derrière en japonais? C'est ushiro. Sakura répond. Wakatta. D'accord. Wakatta signifie compris, d'accord. C'est la forme en ta du verbe わかります. Comprendre. La forme en ta des verbes s'emploie pour décrire ce qui s'est produit dans le passé ou ce qui a déjà eu lieu, n'est-ce pas? Tout à fait. Mélanie, vous vous rappelez comment mettre les verbes à la forme ta? Attendez, pour wakarimas, il faut d'abord enlever mas. Ce mot a ainsi la syllabe ri qui précède mas, donc... Si la syllabe qui précède mas est li, on enlève li et on ajoute ta. On obtient ainsi wakata. Soko ni ite? Reste où tu es, ou littéralement, reste là. Soko ni signifie à cet endroit, dans ce cas précis, là où tu es maintenant. Soko signifie là, cet endroit. Et ni est une particule qui indique un endroit. Ite est la forme en te du verbe imasu, rester. Ensuite, on enlève mas et on ajoute te. Ici, kudasai, s'il te plaît, est omis à la fin de la phrase, n'est-ce pas? Oui, c'est une façon familière de s'exprimer. Écoutons de nouveau le sketch de la leçon 18. Notre phrase clé du jour est... Michi ni mayotte shimaimashita. J'ai perdu mon chemin. Moshimoshi, Sakura-san, tasukete kudasai. Michi ni mayotte shimaimashita. Ima doko? 目の前に郵便局があります。わかった。そこにいて。 Passons maintenant à notre rubrique intitulée « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Notre phrase clé est « Mayotte shimaimashita ». J'ai perdu mon chemin. Pourriez-vous nous préciser comment il faut utiliser l'expression « shimaimashita » ? Posons la question à notre professeur. Si l'on emploie « shimaimashita » après les verbes de forme « t », on indique que l'on a terminé ou complété une action. Cela signifie que l'on ne peut plus répéter cette action ou revenir à la situation antérieure. Donc, on utilise souvent « shimaimashita » lorsque l'on n'est pas parvenu à faire quelque chose ou que l'on regrette ce qu'on a fait. Disons par exemple que vous avez brisé un plat. Briser se dit warimasu. Dans le cas de ce mot, la syllabe placée devant mas est li. Sa forme en te est donc watte. Vous y ajoutez shimaimashita. Watte shimaimashita signifie j'ai brisé un plat. Ainsi, vous pouvez faire passer de façon nuancée l'idée que vous avez été étourdi et que vous avez brisé un plat. C'était notre rubrique « Enseignez-nous, professeur ». Voici maintenant notre rubrique « Mots descriptifs des sons ». Nous vous présentons ici des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Oro oro. Oro oro. Qu'est-ce que ça signifie? Cette expression décrit le fait qu'une personne a fait preuve d'inattention ou qu'elle a paniqué lorsque quelque chose de complètement imprévu s'est produit. Il existe une expression similaire. Uro uro. Uro uro. L'expression décrit une personne qui tourne en rond, sans savoir quoi faire lorsque confrontée à une situation. Dans notre rubrique « Mots descriptifs des sons » aujourd'hui, nous vous avons parlé de... Uro uro. Et de... Uro uro. Avant de conclure, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est notre rubrique « Les tweets d'Anna ». On m'a dit que si je m'égarais, je pouvais me présenter à un poste de police. Les gens disent qu'un policier pourra m'indiquer le chemin à l'aide d'une carte. La leçon 18 vous a plu? La phrase clé aujourd'hui était... Michi ni mayotte shimaimashita. J'ai perdu mon chemin. Nous découvrirons dans la prochaine leçon si Anna retrouvera Sakura et Rodrigo. Retrouvons-nous pour cette prochaine leçon.